Merci d'être avec nous dans le Double Expresso RTL2. Tu es à son montée la pression, dernière banque de la semaine. On y arrive. Je suis tendu, je suis fébrile. C'est après Yodelis, Sunday with the Flow dans le Double Expresso RTL2. Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat. In my purple boots. What if I don't get over you? I put your stockings in my purple boots. Over you. Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some help. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Yodelis sur RTL2. L'heure de la banque RTL2. Bonjour Laurence. Bonjour. Coucou Laurence. Bonjour. Vous nous appelez de Noyon vers Compiègne, comment ça va? Bah écoutez, ça va bien, je vous ai en ligne. Bah oui. C'est génial. Ne soyez pas attendu, tout va bien se passer. Regardez, vous êtes la dernière à avoir la chance de passer ce matin dans le Double Expresso RTL2 pour la banque. Vous nous écoutez sur 95.6. Est-ce que vous partez travailler? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Non, c'est au bureau. Ah, vous êtes déjà au bureau. Vous êtes isolé, vous avez fermé la porte, que personne n'entende. Comment on fait? On est planqué. Exactement, on est planqué. On est planqué. Faut pas partager le gain avec les collègues. Hein. Je veux pas que Brigitte m'entende. Ferme la porte, Didier, ferme la porte. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Alors, Je vais monter sur Paris, voir des amis, et puis voilà. Bon, bah, très bien, un petit week-end entre amis. Pourquoi pas avec 10 000 euros dans les poches, des smartphones, des séjours au ski. C'est ce qu'il y a dans la banque. Attention quand même au coffre vide. On joue, c'est parti, une minute, top chrono. Voici le coffre 1. La tenue de sport de Justine. Inutilisée. Elle ne sert pas beaucoup en ce moment, je vous avoue. Bon, elle est neuve, il est étiquette. Je continue. Bon, ma coffre 2. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. Week-end en amoureux. Hôtel 4 étoiles. Elle ne veut pas. Bon, bah très bien. Coffre 3. 500 euros. Ah. Du cash. Je continue. On laisse tomber les 500 euros. Oui. 33 secondes, coffre 4. Un lecteur DVD. Je continue. Coffre 5. Une console Nintendo Switch. 309 euros. Oh là là là là, vous me faites peur, Laurence. Coffre 6. Ah non! Ah, on a laissé passer 2200 euros de cadeaux. Oui, mais vous avez tenté, vous cherchiez quoi, Laurence? Bah, les 10 000 euros. Bah, oui. On ne peut pas vous en vouloir sur le coup. Question un peu bête. Bah, c'est arrivé à Lara qui était venue nous voir il y a quelques jours d'ailleurs. On vous embrasse, Laurence. On vous offre un DVD pour la petite famille et puis également le mug du double expresso RTL 2. Une seule question? Laurence, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso? Clouds sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Pour bien finir la semaine, c'est Jonathan O'Donnell qui arrive à 8h54 pour le top 3 de l'actu. Pas loin, merci Grégory. Ouais. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, c'était bien Clara Luciani quand même. Ah, c'était top. On a passé un bon moment. Mais t'as raison, refais un bilan de l'émission de demi-heure après. Hein. Il est content. Disons que t'es pas payé pour faire un bilan. Je débrief l'émission maintenant. Le gars, il fait thèse, antithèse, synthèse. Mais c'était bien les gars, oui. Allez, non, à propos le café de Tsunami. Alors, je faisais une petite chauffe pour que vous soyez dans l'ambiance. Voilà, maintenant. On démarre avec une info insolite. La banque russe VTB a prêté par erreur 10,5 milliards d'euros à la République centrafricaine. Combien ? 10,5 milliards d'euros. Et le président centrafricain a déclaré prêter ses données, reprendre ses volets. Ouais, ça fait raison. Petite augmentation de budget. C'est la règle hein, depuis qu'on est petit. Hein. Ça me paraît être la base. Ah bah oui. On file en Égypte. L'Égypte a annoncé la découverte de 8 momies dans une pyramide à Dachour. Ah non, pardon, 7 momies. La 8e, c'était Régine qui visitait la pyramide. Ah mais 7, c'est déjà pas mal. Oh, laisse-lui, il a raison. Pas le physique. Ouais, on l'a reconnu au boa. Allez. On termine avec du cinéma. Sylvester Stallone a annoncé qu'il ne jouera plus Rocky Balboa. Voilà, donc ça c'est fini. Du coup, s'il y a besoin d'un super acteur, baraqué qui sait se battre, n'hésitez pas à m'appeler, je connais quelqu'un. Non. Ça marche. Non, ce qui manque à peu près tout là dans ce que tu dis. J'ai pas parlé de moi, je connais, j'ai des amis, voilà. Ah, d'accord, ça vient de là. Voici les Neu Marlins sur RTL2. Bonjour. Dans le double expresso RTL de 8h57. On va accueillir Kevin Olivier dans quelques secondes, Justine. Oui. Il est déjà là, il était déjà prêt. Vas-y, interviens dans le double expresso avant 9h. Vas-y, fais la folie. Ça m'émeut énormément. Il est là. Oh, je suis vachement touché. Il est là avec son pop rock de Jean-Louis Aubert et ses 500 euros du jackpot. RTL 2. RTL 2 vous invite au concert ultra complet d'Ed Sheeran. Hey there, this is Ed Sheeran. Écoutez, it's good to be on RTL 2. I'm in love with your body. Dès que vous entendez deux titres d'Ed Sheeran à la suite, I guess you look soyez les premiers à nous appeler au 3228. RTL 2 vous a réservé le transport, l'hôtel et vos billets pour le concert à guichet fermé d'Ed Sheeran. Samedi 25 mai au Groupama Stadium à Lyon. Ed Sheeran en concert. Forcément sur RTL 2. RTL 2, The Pop Rock Radio. 50 centimes de minute plus prix de l'appel. Avec les couettes et les oreillers Colas Normand, fabriqués en Normandie, c'est tous les jours dimanche.